espoir. Toi qui mettais la vie dans ma mort. Est-ce que tu existes? Il fait trop noir dans mon esprit qui a de plus en plus peur. Es-tu un exorciste? Je suis à la traîne dans le circuit de la vie. Es-tu perdu en chemin? C'est comment qu'on ferait? Je vais droit dans le moisi. As-tu décidé que ma vie sera rien? Pourquoi tu insistes? Je te traite comme un papa, je te déteste. J'ai peut-être tort. Alors pourquoi tu insistes? Je suis à la traîne dans le circuit de la vie. Ma vie n'est moins que rien. C'est comme un confrère, je vais droit dans le moisi. Prends-moi mon destin.